a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Absolutely did it! But here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot! Right by the door! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Vous entendez ma douce voix, c'est Nicolas Duchamp, comme à chaque semaine, qui vous divertit, vous parle de sport de partout à travers la planète, sport olympique surtout, c'est assis à mes côtés comme toujours, Pierre-Luc Giroux. Ça va bien Pierre-Luc? Oui, très bien. PLG pour les intimes. Ouais. As-tu réussi à décrocher de ton fauteuil en fin de semaine? Oui, presque pas. Presque pas. C'est rough, hein? Ouais. Les Olympiques, c'est tellement le fun. Moi, il fallait que je me tape la cérémonie d'ouverture à radio. J'avais le goût de me tirer une balle. Moi, je l'ai écouté, mais sans son. Donc, on a un peu le contraire. Toi, tu l'écoutais à radio. Moi, je l'ai écouté à TV, mais pas de son. Fait qu'on a chacun... Chacun ses problèmes. C'est ça. Je pense que je préfère l'image ouais, au son. Ben, l'image est bonne, mais des fois, t'es comme... Tu sais pas c'est quoi la toune. Fait que... Ouais. Ça demande. Là, un moment donné, quand on voyait les Indiens là, qui dansaient là, pour présenter le Canada, là, on se demandait un peu c'était quoi qui venait avec ouais, ça. Oui, ils ont fait une grosse place pour les Amérindiens, ouais. Hein, quand même. Ah, ça prend tellement une grosse place au Canada qu'il fallait nous représenter comme ça. Non, mais c'est tout le temps ça. C'est le multiculturalisme canadien qui est mis de l'avant. C'est pas nouveau. Pis, non. Écoute, c'est comme ça. C'était correct de leur faire une place. Ouais, ouais. Certains, par contre, comme tu dis, on trouve qu'ils ont fait un petit peu trop un de place. Ouais, c'est ça. Mais bon, on n'en parlera pas trop pour l'instant. Cette semaine, à l'émission, quand même chargée, on va parler des Patriotes UQTR comme à chaque semaine. C'est la saison qui s'est terminée pour les Patriotes, donc hockey, on va en parler en masse. Je vais faire une prévision des séries, tout ça, qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être vers 9h15, ça. On va parler du soccer tout de suite après la présentation que je suis en train de faire. Pierre-Luc, hockey junior, quand même une semaine relativement ouais. Calme. Un peu un autre coup cochon dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, Olivier Hott, qui a été frappé un joueur de Baie-Comeau, on va en parler aussi. OK. Et on va parler des petites nouvelles. Et bien sûr, les Olympiques, on se garde la fin d'émission complète, là. Ben, 9h, de 9h20 jusqu'à 10h. Ben oui, le hockey masculin qui commence ce soir. Donc, une dégelée que la Norvège devrait recevoir de la part du Canada. Logiquement. Donc, allons-y avec les Patriotes, allons-y avec le soccer, on y va tout de suite. Bon, tu sais, Pierre-Luc, écoute, ça allait pas super bien pour les équipes féminines cette année. On n'avait aucune victoire en soccer intérieur 11 contre 11, qui est joué au Centre Alphonse Desjardins. Donc, cette fin de semaine, ils affrontaient les Gators de Bishop. On se demandait un peu, bon, qu'est-ce que ça allait avoir de l'air, puis tout ça, tout ça. Bonne performance de la part des Patriotes qui l'ont emporté 2-1, première victoire de la saison pour eux. Les buts chez les Pats, c'est Gabriel Rivet et Jessica Lavallée, l'excellente Jessica Lavallée, qui récolte les buts. Maude Bellerive récolte une passe et est nommée joueuse du match, en plus d'avoir obtenu un carton jaune, donc félicitations à elle. Du côté de Bishop, c'est Steph Burnett qui a été la marqueuse du côté des Lady Gators. Il me semble que c'est ça, Lady Gators. J'ai un blanc, là, il me semble que c'est ça. Tu sais, t'as les... Parce que pour les hommes, les femmes, ils changent. Ouais. Ouais, les Lady Gators, tandis ça, que... On n'a pas les Lady Pats, tu sais. Non, non. Ben non, parce que Patriote, ça se... Tu peux être... Tu sais, t'as pas... Tu peux être une Patriote. Ouais, une Patriote. T'es pas patriotesse, genre, c'est pas... Mais à McGill, c'est les Redmen. Bon, à la place d'être les Red Women, parce que ça se dit très mal, puis c'est pas le vrai mot, c'est les Martlets, qui sont comme des petits marteaux, je pense, Martlets. Ouais. Faudrait que tu sais-tu ou tu dis non, oui, je sais pas. Non, je dis oui pour t'encourager. Mais merci bien, Luc. Donc, au classement, les Patriots sont maintenant 7e avec une fiche de 1 victoire, 4 défaites à égalité à 6e position avec Concordia. Par contre, Concordia a un point de plus. Mais un différentiel de buts supérieur. Ils ont moins 5 buts, tandis que les Patriots sont moins 11. Donc, pour l'instant, les Patriots font les séries. De toute façon, je pense que tout le monde est fait là-dedans. Exactement, tout le monde fait les séries dans la Ligue féminine. Mais ce serait le fun de pouvoir affronter McGill à première ronde. Donc, en ayant gagné contre Bishop, McGill qui sont par aucune défaite, là, 4 victoires nulles, ça serait bon. Par contre, ça va affronter Montréal ou Laval, là, logiquement. Donc, Mais encore là, Montréal et Laval, ce n'est pas des équipes faciles à battre. Non, aucunement. Là, Laval, donc, on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ouais, il y a une couple de semaines. Ouais, il y a une couple de semaines. Ça n'a pas été facile contre les représentants de l'Université Laval. Tu pourrais pas mieux dire, Pierre-Luc. Et chez les hommes, ils affrontaient, parce que tu as moins d'équipes, tu as 7 équipes. Les Gators ne jouent pas au soccer. OK? C'est du rugby qui marche fort là-bas, okay, à Bishop. Donc, match hors concours contre l'attaque de Trois-Rivières, le club école de l'Impact de Montréal. Victoire des Patriots, 2-1 contre l'attaque. Moi-même, je suis surpris. Écoute, c'est Abdoulaye Kanté et André Christel Tsitia Ametong du côté des Patriots qui ont fait les buts. Kanté récolte aussi une passe. Donc, encore un excellent match. Ouais. Kanté, on entend souvent parler. Oui, hein, oui. Il avait été nommé joueur du match, joueur de la semaine dernière, si je me trompe pas. Donc, très bon. Ça va bien pour lui. Écoute, Abdoulaye, vas-tu, qui étudie présentement au baccalauréat en administration en affaires. Lui qui a joué en Europe aussi. Hein, c'est un Français. Donc, vas-tu, sa fiche dans la saison présentement, c'est... en 4 matchs, 1 but, 1 passe, 2 points. Mais tu sais, les Patriots ont été blanchis 3 matchs, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même bien pour lui. Bon, ça semble s'améliorer. Battre l'attaque, c'est pas... Probablement que c'était pas l'équipe A de l'attaque, mais c'est déjà ça. Et la victoire va à la fiche de Vincent Guécoté, qui récolte 1 but. Qui a seulement accordé 1 but. Au classement, bon, ben, ça change pas bien sûr pour les Patriots. On n'a pas été chercher de points. Ils sont présentement 6e de la Ligue avec 1 victoire, 3 défaites, un différentiel de but de moins 5. Sherbrooke sont 5e avec 2 victoires, 3 défaites. Par contre, Sherbrooke a un match en main sur les Pats. Ils sont pas rattrapables. 3 points, 1, 2, 3, ça fait 11, mes mathématiques. Donc, probablement que... Excusez-moi, j'ai envie de compter. Ça marche pas, désolé. C'est ma gaffe. Une victoire des Lucteurs au prochain match donnerait un petit peu quand même un meilleur classement pour les Patriots qui pourraient espérer atteindre la 6e position et affronter une autre équipe que Laval en premier qui, eux, ont une fiche parfaite parce que je pense que Concordia ne fait pas les séries. Mais encore là, le Vert et Or devra perdre ces 2 matchs. Si. Les Patriots ont un match en main. Ah, les Patriots. Les Patriots ont un match en main. Ils ont 4 matchs à disputer, tandis que les femmes ont 5 matchs. Donc, c'est ça. Hey, on s'en va en musique. On va aller écouter Malajub. On va aller écouter la chanson Fille à plumes. Et au retour de la pause musicale, on vous parle des séries des Patriots. Les 2 derniers matchs, ils affrontaient Ottawa. Ils affrontaient Carlton en fin de semaine. 2 victoires pour les Patriots. On en parle en masse. Vous écoutez les conduites de partie sur les ondes de C'est Fou. nous insulte. Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Malajub avec la chanson Fille à plumes. On y va tout de suite avec les Patriotes. Écoute, ils étaient en action deux fois la semaine dernière. Vendredi, samedi. Vendredi, c'était contre les GGs d'Ottawa. Bon, tu vas être d'accord sûrement avec moi, Pierre-Luc. Je trouve que, contrairement à l'an dernier, les Patriotes avaient quand même la deuxième moitié de saison très mal été du côté des Patriotes. On n'avait pas vu de l'intensité. Puis je trouvais qu'ils étaient rentrés en série flat. Puis bon, encore une fois, on n'avait pas réussi à emmener ça assez loin dans les playoffs. Cette année, on dirait qu'on a travaillé beaucoup plus. C'était beaucoup plus difficile d'aller chercher le championnat de la saison. Ben, faut dire aussi que l'acquisition de nouveaux joueurs après, a beaucoup aidé. Après le temps des fêtes, mais, a beaucoup aidé. Tu sais, aussi, je parle au niveau de l'intensité, au niveau de la façon de travailler aussi, je trouve que c'est meilleur. Écoute, ça s'est continué contre les GGs. C'est une victoire de 6 à 1 du QTR. 57-24 des tirs sur Riley Whitlock d'Ottawa, qui en a mangé toute une. Écoute, ça sentait le rubber après ça dans la chambre, bien comme il faut. Donc, 6 à 1. Écoute, je vais te parler un peu du côté des Patriotes. Là, c'était Jean-Christophe Blanchard qui a fait vraiment une bonne performance. Vois-tu? Les premiers buts, je te dis ça, là, mais au niveau des Patriotes, là, si on continuait, ce qu'il fallait, c'est qu'ils devaient gagner absolument un match, ou plutôt aller chercher minimum un point, ça, pour s'assurer du championnat de la OUA, qui est la Conférence athlétique de l'Ontario. Donc, c'était quand même facile, je te dirais, que la fin de semaine qu'on avait, mais il fallait le faire du côté des Patriotes. Devant les Redmond de McGill. Oui, pour finir, devant les Redmond de McGill. Puis là, je te parle pas dans l'Est, là, de la division S des Patriotes, là, qui pas des Patriotes, mais de la OUA. Ça fait quatre fois de fil. Parce que là, bon, ils l'ont eu, là. Je viens de scraper le punch. Là. Mais ils l'ont eu, mais quatre fois de fil qui vont chercher la division S. Mais c'était pas arrivé depuis 2000-2001 que les Patriotes avaient gagné le championnat de la conférence ontarienne au complet. Ça a été fait donc lors de ce match-là. Bravo à eux. Pour le match, Alexandre Blais et Alex Lamontagne n'étaient pas habillés des blessures du côté d'Alexandre Blais, entre autres. Donc, ça part fort du côté des GGs. C'est Darren Miller qui marque le premier et le seul but des GGs dès le début. Mais pour le reste de la partie, c'est une domination. C'est Samuel Richard qui enfile son deuxième des aides à Joka et Leblanc pour faire 1 à 1. La première période finie, les tirs 25-10 en faveur des Trifluviens. Donc on voit la différence. Ça a été la meilleure période d'Ottawa parce qu'après ça, ça a tombé vraiment. En deuxième, c'est lors d'une pénalité à Ottawa, une pénalité à retardement, c'est Jean-Sébastien Breton qui décoche un bon tir sur Whitlock, qui accorde un retour qui finit directement sur la palette de Francis Charland. C'est pour lui un 26e match consécutif avec un point. Ce qui bat un record de l'université, là, dans le fond, là, de l'UQTR. Donc, félicitations à lui. Depuis Jess Breton, bon, ben, c'est un 13e match d'affilée avec un point pour lui. Ça va très bien, ce trio-là, avec Étienne Bellavance-Martin qui récolte l'autre aide sur le filet. 23e but pour Charland. C'est le même duo qui revient à la charge quelques minutes plus tard. C'est Étienne Bellavance-Martin qui enfile l'aiguille des aides à Charland et Breton. Et quoi de mieux avec une telle domination que pour terminer la période qu'un but? C'est sur un avantage numérique de deux hommes, André Joannis, qui a une bâtard de bine. Écoute, je te le dis, là, je me retiens, là. Il y a un shot très dangereux. Retiens-toi pas, Nick, vas-y, laisse-toi aller avant. Un calvaire, mon shot. Donc, il restait 4 secondes à la période quand Joannis a décoché son tir. C'est un troisième but pour lui cette saison. Les aides à Chicoine et Bellevance Martin. 24 les tirs en deuxième période. Et ça se continue pour les Trifluviens. Charland, encore une fois, qui va participer aux deux buts des Pats dans la troisième période. C'est Bellevance Martin qui fait son 9e de la saison. Charland le sort les aides. Et lui-même, Charland, qui fait son 24e des aides à Leblanc et Petit. Victoire de 6 à 1 des Trifluviens. Il remporte du fait même, comme je disais, le championnat de la OUA avec les tirs 57-24, comme je disais. Je te parlais de ça. Écoute, pourquoi Charland, c'est important, pourquoi qu'il fasse des points. Il est à la lutte contre Francis Véropol à ce moment-là. Francis Véropol de l'Université McGill pour le championnat des marqueurs. Avec ce match-là, bon, ça va bien, OK. Il a fait 3 points, si je ne me trompe pas. Véropol a fait pareil à McGill ce soir-là. Donc, 3 points chaque. 3 points chaque. Il y a 2 points qui les séparent. Charland est en tête avant d'arriver le samedi. Il reste un seul match. Donc, avec. Donc, comme je disais, c'est un 4e championnat consécutif de l'Est. Les 3 dernières fois que. Bon, on a gagné le championnat du côté des Patriotes, ça s'est fini en élimination contre McGill. Donc, les 3 dernières années. Donc. En espérant que ça ne se reproduise pas cette année. Exactement. On va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte suite à ce match contre les GGs. Champion de la OUA, content? Oui, bien content. Écoute, à 11 ans, c'est quand même juste la 2e fois qu'on réussit à parvenir à ça. 4 fois de suite là, qu'on est champion de notre division, mais juste la 2e fois. Donc, c'est important parce qu'on sait comment c'est que dans l'autre division aussi, il y a des bonnes équipes. Et ça peut donner un avantage certain jusqu'à la fin. Si jamais on a besoin, l'avantage, la glace, tout ça, ça peut servir. Mais c'est surtout une belle fierté parce qu'au début de l'année, il y a eu plusieurs points d'interrogation. Puis l'arrivée des nouveaux joueurs aussi au fait a donné un nouveau souffle à l'équipe. J'aimerais que tu me parles un peu de Francis Charland. Ben, écoute, c'est juste sa 2e année. Il est vraiment, on dit toujours dans la gage du hockey, il est steppé up, là, mais lui, c'est vraiment une coche et demie de plus que qu'on s'attendait de lui. Écoute, c'est sûr qu'il joue avec des gars comme Breton qui, lui, cette année, offensivement, est un petit peu moins productif, peut-être, par rapport à l'année passée, mais qui l'alimente très bien. Et un joueur qui est effacé, c'est Tienne Bellevance Martin, qui, lui, paraît moins des fois sa feuille de pointage, mais qui est bien, bien efficace. Mais Charland comme tel, écoute, c'est le gars, pour nous compter des beaux buts, il compte pas juste quand c'est 5-1, là, quand il a fait... C'est souvent, c'est, il nous a sorti de la merde avec un lancer du poignet tout à fait redoutable, tout à fait dangereux. Puis ses qualités d'offensive font en sorte que c'est bon signe si ça peut rester là pour les playoffs parce que c'est pas bon signe. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que demain, c'est recommencé. T'sais, on a eu déjà des bons joueurs, des fois, dans les années passées qui, dans les séries, n'arrivaient pas à offrir le même rendement. On espère que juste que ça va se poursuivre. Il mérite bien, il travaille pour ça, en tout cas. Donc, c'était Jacques Laporte avec ses commentaires suite à cette victoire d'Ottawa et son appréciation de Francis Charland. Parlant de lui, on va aller écouter ses commentaires à lui par rapport à cette victoire. Champion de la UA, content, ça j'en doute pas, là, mais qu'est-ce que tu trouves que vous avez bien fait cette année pour vous rendre là? Ben, je pense que on a été constant, premièrement, on n'a pas eu vraiment de creux de vague, puis on s'est tout le temps tenu. Ben, à chaque game, on est sorti prêt. On n'a pas vraiment eu de vraiment mauvais match. Puis je pense que aussi on a eu une belle progression tout au cours de l'année. Puis c'est sûr que les acquisitions en plus qu'on a faites dans la période des fêtes, ben ça a été un gros plus pour nous. Puis là, ben on va de l'avant avec ça. Parle-moi un peu de tes performances personnelles. 26 points, 26 matchs, quand même bon. T'attendais-tu à ça au début de la saison? Oh non, c'est sûr, tu peux jamais t'attendre à ça. C'est sûr que c'est le fun, mais tu sais, c'est secondaire. Là. Moi, l'important, c'est que l'équipe joue bien et qu'on arrive prêt pour les séries éliminatoires. Parle-moi donc un peu des Stingers, à quoi vous attendez? Mais les Stingers, c'est une équipe qui sont gros, puis c'est sûr qu'ils vont sortir, puis ils vont essayer de nous frapper, puis ils vont essayer de jouer la game d'intimidation. Puis faut pas les prendre à légère parce que même si on a fini premier, puis eux autres c'est la dernière équipe à faire les séries, je pense que dans les séries c'est une nouvelle game, puis va falloir sortir fort, c'est certain. Donc Francis Charland, je trouve qu'il montre une belle maturité. Tu vois qu'ils prennent les Stingers au sérieux. Pourquoi je parle des Stingers? C'est qu'en ayant reporté cette partie, les Patriots s'assurent d'affronter la 8e position dans l'Est, c'est-à-dire les Stingers de Concordia. Ça débute demain soir, ça, en passant au Colisée de Trois-Rivières. Les matchs qui vont être diffusés aussi à TV Cogeco. Donc, pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer ou... Mais ça va-tu s'enlever du monde dans le petit arena de Trois-Rivières? Non, c'est dans le gros, là. C'est dans le Big House. Bon. Ouais. Je sais pas, mais en tant que tel, mettons quelqu'un. Mais je sais que l'an passé, ce qu'il faisait, c'est qu'il montrait le match en direct, puis après ça, il le remontrait encore, si je me trompe pas. Donc, tu sais, quelqu'un qui est en cours, comme moi, mettons. Ouais, toi, t'as un cours à 7h le mercredi. J'ai ça. Pourquoi j'ai été prendre un cours à cette heure-là? Donc, on n'a pas le choix maintenant. Je vais foxer. Mais donc, les gens pourraient l'écouter par après. Le lendemain, samedi, les Patriots en après-midi affrontent Carlton, les Ravens. C'était un match pas si serré que ça quand même, malgré le pointage qui donne 6-4 en faveur des Patriots. En réalité, vois-tu, les deux derniers buts de Carlton ont été inscrits alors qu'il restait 4 minutes au match. Donc, on a probablement eu un petit laisser-aller du côté des Patriots. De plus, Jean-Christophe Blanchard n'était même pas habillé. C'est Sébastien Comeau et Mathieu Lévesque qui se sont séparés la tâche. Lévesque a vu 40 minutes d'action. Est-ce que tu sais pour quelle raison? Ou? Ben, dernier match de la saison. Wow, c'est correct de donner un break. Avec le nombre de matchs que Jean-Christophe a joué cette saison, je pense qu'il pouvait écouter la partie des gradins. Je pense pas que c'était très, très grave de mon côté, même que je te dirais que c'est une décision très sage. Du côté de Carlton non plus, c'était Ryan Dubé qui était dans les filets, lui qui est le gardien remplaçant de Alexander Archibald. Donc, les pointeurs, c'est Carlton encore qui ouvre la marque. Très de bonheur dans le match. Même chose que contre Ottawa. Puis c'est pas la première fois que je vois ça dans cette saison-ci du côté des Patriots. Je sais pas si on commence le match un petit peu plus lentement, mais... Ça a peut-être quelque chose à voir parce que tu pars, tu sais, bon, c'est bien beau, mais contre McGill, partir de bonne heure avec un but en moins, c'est moins bon un petit peu. Barrett fait son quatrième de la saison N24. Breton en deuxième période. Breton a assisté de Charlin Lessard, Boivin Lessard et Chabot Maltais. Jonka Donovan Lessard, grosse partie pour Lessard. Vous voyez, je dis souvent son nom là. Et Antoine, donc, et Self qui vient faire la 3-2 pour les Patriots en fin de deuxième période. Troisième période, c'est Étienne Bellavance-Martin, les aides à Demers et Desilets. Demers lui-même a cité de Lessard et Bellavance-Martin. Encore 2 points dans cette partie pour Bellavance-Martin. Félix Petit qui vient faire son 6e de la saison. Une aide à Demers, c'est un but en désavantage numérique. C'est donc 6-2. Pour les Patriots, on peut dire que le clou est rentré dans le corps de Carlton, qui quand même ne se laisse pas aller. Medel et Bastien vont venir faire la marque 6-4 pour terminer le match. Un petit peu de brasse camarade lors de la troisième période à 19 minutes 2. Plusieurs inconduites de partie. Inconduites plutôt. Mauvaise conduite des 10 minutes. J'ai tout le temps de la misère avec cette pénalité-là. Mauvaise conduite et inconduite. Vois-tu dans la partie... Ça ressemble beaucoup. Ouais, c'est ça. Vois-tu dans la partie 4 points pour Pierre-Luc Lessard, le défenseur, qui est vraiment un très bon match. On peut aussi parler d'Alexandre Demers, un but 3 passes. Les étoiles, ben justement, Lessard Demers ont obtenu les 2 premières. Et Étienne Bellavance-Martin qui récolte la 3e devant une foule de 194 personnes à l'aréna Claude Mongrain. On se doutait que c'était un match un peu moins important, donc une foule un petit peu plus petite par rapport à la veille où est-ce qu'il y avait eu. Vois-tu, la foule était de 220 personnes à Claude Mongrain. Donc c'est ça. 1 point pour le Charlin dans cette partie. Fait qu'il y a 3 points d'avance sur Francis Véropol avant de débuter la game de McGill, la partie de McGill qui est le soir. Vois-tu? On se dit bon, ça va bien, ça devrait être correct, et non, ben non, ben non. Véropol qui s'est fâché. 3 buts de passe dans la partie. Il remporte ainsi le championnat des marqueurs de la OUA. Il voulait-tu de son championnat des marqueurs? Il voulait pas à peu près. Il finit 2e dans la CIS derrière Hunter Lahash de UNB, l'Université du Nouveau-Brunswick. C'est une victoire de 9-0 justement de McGill sur Ottawa, que les Patriots avaient battu ce soir. Donc, tu sais, 2 dégelés. C'est 2 équipes qui sont extrêmement égales. Ça a bardé aussi dans ce match-là, en 3e période, des batailles. L'on prit Poirier et Véropol qui aussi a eu des pénalités. Pas de genre à se laisser faire, Véropol. Donc, Nadeau qui s'est battu pas à Ottawa. Donc, c'est ce qui conclut, écoute, je te dirais, pour la semaine. Au niveau du classement, vois-tu, c'est je te dis les positions pour savoir qui va affronter qui en série. Dans l'Ouest, Western va affronter UOIT, Waterloo va affronter Windsor, Lakehead va affronter York et Laurier va affronter Guelph. Western qui remporte le championnat de l'Ouest de peine et de misère par 1 point sur Waterloo, eux qui étaient 2e au début de la fin de semaine, donc une fin de semaine un petit peu moins bonne du côté de Waterloo. C'est très chaud, écoute, 42, 41 puis 40 points pour les 3 premières positions. Lorient a 38. Du côté de l'Ouest, par contre, beaucoup plus serré que la section des Patriots. Personnellement, Western a un avantage, je dirais. J'ai un feeling pour les séries, mais ça pourrait très bien changer. Je serais pas étonné. Du côté de l'Est, bon, ben, les Patriots terminent premier avec une récolte de 48 points en 28 matchs. Seulement 3 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en fusillade cette année, ce qui est très peu. Une excellente saison. Vois-tu, les Pats rentrent avec une séquence, je cherchais le mot. Une séquence de 9 victoires et une défaite en fusillade à présentement. Ces 10 derniers matchs, exactement. Tandis que McGill sont 6-4. Ouh. Là-dessus, bon, il y a 2 défaites contre les Patriots. Tu sais, il faut le considérer. Ouh. Mais quand on parlait du retour des fêtes, là, on l'a, là, c'est ça. Là. Mais on le sait, hein, les séries, c'est une autre saison. C'est une autre saison. C'est tout à recommencer. Puis il va falloir que les Patriots travaillent fort là, cette année si on veut sortir les Redmen de McGill. Exactement, tu ne vas pas mieux dire. Donc, UQTR va affronter Concordia, McGill va affronter Nipissing. Nipissing, le nouveau programme qui avait commencé très fort, je pense, une fiche de 7-1. 7-1 plutôt, ils ont fini ça 12-15 en 7e position. C'est une pente très descendante pour eux. C'est un programme de première année, c'est normal qu'on ait des hauts et des très gros hauts, des très gros bas. McGill devrait remporter ça en 2. Toronto va affronter Ryerson et le Varsity Blues qui a réussi à dépasser Carleton en série, qui eux vont affronter Queens. Personnellement, à moins d'une surprise, où est-ce que Toronto viendrait battre McGill, je pense qu'on va encore avoir cette année une confrontation UQTR-McGill. Bon, on aime ça. Ah oui, on aime ça quand l'UQTR ne perd pas, mais là, ouais, c'est ça, le problème, la bête noire. Par contre, je te dirais que j'aime l'équipe de cette année. J'aime comment ils rentrent en série. J'aime, contrairement à l'an passé où je trouvais l'équipe flat, je trouvais l'équipe qui ça voulait comme pas. Cette année, les gars ont l'air de vouloir. Ils sont intenses, ils ont l'air un peu en mission. S'il y a une année où est-ce que les Pats devraient gagner, c'est cette année, personnellement. Donc, ça va être intéressant. Ça commence, comme j'ai dit, mercredi. Si on affrontait McGill, ça va être dans 2 semaines. Dans le fond, c'est tous les matchs sont disputés normalement, là, à moins qu'il y ait un changement. Mercredi, vendredi, dimanche. Si c'est nécessaire pour le 3e match. Les 3 matchs disputés le match nécessaire et le premier match disputé à Trois-Rivières. Tandis que le 2e match disputé à l'extérieur. Ce qui est le fun d'affronter Concordia, c'est le trajet. C'est une épaissing, c'est un bout. C'est loin North Bay, là. C'est un bout de North Bay. Hein. C'est dans 4-5 heures d'autobus. Tandis que là, Concordia, ben, on revient le soir même, puis c'est moins compliqué. Par contre, j'en avais parlé à Alexandre Demers, qui me disait oui, mais Nipissing pourrait être le fun aussi, parce que tu joues là-bas, il y avait 3000 personnes à Nipissing vendredi soir. Pour une équipe qui est 7e. Ouch! Très bon. Ça joue fort à Nipissing. Il n'y a rien d'autre à faire à Nipissing, mais ça joue fort à Nipissing. Non, ben, c'est ça, il devrait peut-être avoir d'autres choses à faire. Ils n'ont pas d'équipe de la Ligue de l'Ontario dans ce coin-là? Non, il y en a déjà eu, les Centennials, à l'époque. Les Nipissing jouaient à cette arena-là. Mais non, c'est Talk of the Town, les Lakers. C'est l'attraction numéro 1 en ville et la seule. Mais... Donc, ça va être ça. Écoute, pour le top 10, c'est bon, ça date de février, du 9 février. Donc, c'est avant les victoires des Patriots cette fin de semaine. Acadia, qui est 4e, a perdu un match cette semaine. Et surtout, UNB, Université du Nouveau-Brunswick, qui était 26-0 avant de commencer la fin de semaine, ont perdu un match contre Saint-Francis-Xavier 4-3 vendredi. Donc, ils terminent la saison 27 victoires, 1 défaite. Peut-être un reality check qu'on avait besoin un petit peu du côté. Puis, ils menaient 3-0 en plus de UNB dans ce match-là. Peut-être la petite claque qu'on avait besoin pour être ramené sur terre. Ça sera pas de mauvaise chose pour eux. Donc, le classement, c'est avant ces matchs-là. UNB, premier. Alberta, 2e. UQTR, 3e. Acadia, 4e. McGill, 5e. Et Western, 6e. Le patriote de la semaine, c'est Francis Charlin. Le vétéran de 2 saisons avec l'équipe de hockey a connu une autre performance digne de mention en massant 3 buts, 5 passes en 2 matchs. Donc, comme j'avais dit, 1 but, 2 passes, c'est lundi dernier, contre McGill. Vendredi, bon, ben, 2 buts, 2 passes pour Francis contre les GGs et 1 point contre les Ravens. Ça aurait été le fun, un point de plus. Mais ce qui a quand même échappé son championnat des marqueurs. Exactement, bien l'échappé, je dirais plus. C'est Véropol qui a donné la performance. Ouais, c'est tout un joueur. Avoir les performances de Charland dans les dernières parties, j'aurais pas pensé qu'il aurait pu faire dépasser par un autre joueur. Véropol est fort, intense. Est excellent, mais du côté de Francis Charland, c'est une saison vraiment magnifique. Il ne pouvait pas donner vraiment plus à l'équipe, personnellement. Ça aurait été difficile pour lui. Là. Mais le trio Bellavance, Martin, Breton, Charland se sont trouvés toute l'année. Ça ne devrait pas changer pour les séries, je le souhaite. On l'espère. Donc, ça va être l'âme numéro un. L'autre côté, tu as Demers, le trio Demers avec Félix Petit qui joue du très bon hockey. Deux très bonnes armes du côté des Patriotes pour les séries. Blanchard, bon, doit donner son 100% en série. Ça va se décider là. Mais je suis quand même confiant, ça devrait bien aller. Oui. Là, on parlait de Félix Petit, Alexandre Demers. Oui. Alexandre Blais qui complète le trio normalement. N'a pas joué, comme je disais, en fin de semaine. Blessure à l'épaule, ça va être réexaminé, réévalué. D'après moi, je ne jouerai pas mercredi. Je pense pas qu'ils vont prendre le risque contre Concordia. Bon, si tout se déroule bien, ça devrait se finir en deux contre Concordia. Aussi bien pas prendre de risque pour un joueur important comme ça. Donc, ça va être à revoir dans une semaine. On va vous donner des nouvelles là-dessus. Donc, c'était les prévisions pour les séries dans la OUA, les Patriotes et tout ça. On s'en va une pause au retour Hockey Junior, Pierre-Luc, t'as du temps? Certainement, ben oui. Ben c'est bon, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Pour nous joindre en ondes, c'est le live à commercial, inconduitedepartie.com. Pour notre site web, le blog, c'est www.inconduitedepartie.com. On se revoit bientôt. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89. 89. The enemy is now in sight above the palace. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal, vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. Against Me avec la chanson Les Pintes de Guinness, ça traîne fort. Donc, Pints of Guinness makes you strong. Dans oui. Une de tes tunes préférées. Ben, j'adore Against Me. Là. Tu m'as vu jouer du air drum dans le studio, là, ouais. Luc. C'est impressionnant. Hein? Très, très impressionnant. Je suis sur la note. Pierre-Luc, vas-y avec l'Hockey Junior. Oui. Donc, on débute immédiatement avec les Cataractes de Shawinigan qui, cette fin de semaine, avaient 3 matchs. En passant, Nicolas, la saison achève beaucoup dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Donc, si on regarde les Cataractes après ce match, ben, après les 3 matchs qu'on va parler, il va leur rester seulement 10 matchs. Donc, ça avance à grands pas. 10 matchs, c'est l'équivalent d'à peu près 11 semaines. Pas 11 semaines, 3-4 semaines. Ouais. Ouais, 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, on aurait déjà là, les résultats quant à qui s'affrontera en première ronde, même qu'on en a déjà là, une bonne idée là, de qui s'affrontera dans la première ronde. Et on va en reparler un peu tantôt là, à la suite des matchs. Donc, parlons des Cataractes. Tout d'abord, mardi dernier, ils affrontaient un très gros affrontement entre les Voltigeurs de Drummondville et les Cataractes de Shawinigan. Pour l'instant, je vous dirais que c'est parti pour que les Voltigeurs affrontent les Cataractes en première ronde des séries. Rien n'est assuré encore, puisque c'est très serré entre les Tigres et les Voltigeurs. Mais pour l'instant, là, ça devrait être entre ces deux équipes. Fait que tu dirais que d'après toi, ce match-là était quand même un bon indicatif de si les Cataractes ont des chances en série. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et malheureusement, les Cataractes n'ont pas démontré qu'ils avaient des chances en série. Non, un match, c'est un match quand même. Faut pas exagérer. Mais non, ça a été plus difficile là, pour nos Cataractes, je te dirais, dans le match. Tout d'abord, en première période, les Voltigeurs de Drummondville qui prennent les devants 1-0 sur un but de Marc-Olivier Vachon. Ensuite, deuxième période, les Cataractes nivellent la marque sur un but de Dave Labrecque, mais ensuite les Voltigeurs vraiment qui ont pris le dessus dans le match. Tout d'abord, 2 buts en deuxième période, des buts de, encore une fois, Marc-Olivier Vachon et André Pala. Et en troisième période, les Voltigeurs qui l'emportent par la marque de 4-1 sur un but de Philippe Lefebvre. Donc, 4-1, victoire des Voltigeurs de Drummondville. Marc-Antoine Gélina méritait sa 10e défaite de la saison. Donc, il n'en a pas perdu beaucoup cette année. Ouais, mais il n'a pas joué toute l'année non plus. Non, il n'a pas joué toute l'année à Shawinigan, c'est certain. Donc, les grandes vedettes du match, je dirais Marc-Olivier Vachon, comme on l'a dit plus tôt, 2 buts dans le match. Et Marc-Antoine Desnoyers, qui est le compagnon trio de Marc-Olivier Vachon, 2 passes. Donc, ça a bien été là, pour le Vachon et Desnoyers. Les Voltigeurs qui ont quand même un peu dominé, ben 33-27 dans les tirs, donc c'est pas une très très grosse domination, mais les Voltigeurs là, qui ont montré beaucoup de férocité pendant ce match. De pep. D'adversité, s'il te plaît. Pas de l'adversité, c'est pas le mot que tu cherches, adversité. Non, c'est ça. On a déjà eu cette discussion-là. Ah, sur l'adversité, etc. Donc, et Jake Allen qui était devant les buts pour les Voltigeurs de Drummondville. On en parlait la semaine passée, Jake Allen, Nicolas. On disait que bon, ça n'allait pas aussi bien que ça depuis le début de la. Qu'il est rendu avec les Voltigeurs de Drummondville. Mais c'est repris beaucoup en fin de semaine. Okay. On va en parler un petit peu plus tard, là, lorsqu'on parlera des Voltigeurs. On continue dans les matchs pour les Cataractes. Donc, vendredi, ils recevaient la visite des féroces Wildcats de Moncton. Je te dirais l'équipe de l'heure en ce moment dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et les Cataractes qui n'ont pu faire mieux contre eux. Donc, première période, 2 buts des Wildcats. Alex Soir et David Savard sont les marqueurs. En troisième période, on a montré... On essaie de revenir de l'arrière un petit peu des côtés du Cataract. Un but de Raphaël Pouliot en désavantage numérique pour réduire l'écart à 2-1. Mais les Wildcats de Moncton là, qui ont repris les devants 3-1. Ils ont repris les devants par 2 buts sur un but de Scott Brannan. Mais quand même, dans le match, on remarque que les Cataracts ont tiré plus souvent au filet que les Wildcats. Ça m'a surpris beaucoup, je te dirais, de voir que les Cataracts ont tiré plus souvent. Donc, 28-25 pour nos Cataracts dans les tirs dans ce match. On peut dire donc un gros merci au gardien de but des Wildcats de Moncton, Nicolas Riopel, qui enregistrait déjà sa 13e victoire de la saison. Riopel, ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Déjà, une fiche de 13 victoires, 3 défaites dans la Ligue. Ok, je me demandais, il y en avait combien de défaites? 16 matchs déjà joués et seulement 3 défaites. Donc, ça va très bien pour les Wildcats de Moncton. Depuis la période des fêtes, les Wildcats de Moncton qui sont tout simplement l'équipe de l'heure, c'est en plein ça. Donc, une autre défaite pour les Cataractes le vendredi. Samedi, on essaierait de se reprendre contre les Foreurs de Val-d'Or, qui est une équipe qui, en ce moment, en arrache beaucoup. Et les Cataractes, qui, encore une fois, ont été défaits, malheureusement. Donc, défaite de 3-1 devant les Foreurs de Val-d'Or. Les marqueurs sont Alexandre Kennel, Simon Lacroix et Jonathan Hazen du côté des Foreurs. Et le seul marqueur là, du côté des Cataractes est Dave Labrecque. Mais encore une fois... Simon Lacroix qui vient bien finir. C'était son dernier match, probablement, à Shawinigan, ouais, dans le fond. Là, pour lui qui a joué pour les Cataractes pendant... qui a été capitaine. Je pense qu'il était capitaine le dernier... J'ai un blanc, là. Il me semble que oui, là. Vite de même, je te vois. Faudrait vérifier. Ouais, vrai, je vérifie, là. Mais pour parler des tirs, encore une fois, là, les Cataractes qui ont dominé 40-15 dans les tirs dans le match. Et donc, si je t'aurais dit avant de commencer à jouer comme tu m'avais fait il y a quelques semaines, je t'aurais dit les tirs 40-15 pour Cataractes. Je t'aurais demandé le score. Tu m'aurais répondu combien à peu près? Ah, ça, j'aurais dit 4-1. 4-1 pour les Cataractes. Oui, et c'est tout le contraire. Donc, défaite de 3-1 devant les Foreurs de Val-d'Or. Donc, dur. Et c'est dur fin de semaine pour nos Cataractes cette fin de semaine. Donc, 3 défaites en 3 matchs. Je vous dirais que pour terminer la saison, ben on termine pas encore la saison, il reste encore quand même 10 matchs pour essayer de remonter la pente, mais quand même, je veux dire, c'est quand même 3 grosses défaites dans la semaine. Ça montre que les Cataractes devront travailler fort là, s'ils veulent passer la première ronde des séries lorsqu'ils affronteront là, les Vultures ou les Tigres. Ouais. Pour les Foreurs, c'était monsieur Jacob Gervais-Chouinard qui était dans les buts. Donc, lui qui en était seulement à son 10e match en carrière dans la Ligue, qui a été la première étoile du match. Donc, on l'a dit, 39 arrêts. C'est un goaler hot. Ouais, 17 ans seulement, le petit jeune, là, puis 39 arrêts. Donc, bravo. Continue ton bon travail. Et Jonathan Hazen, lui aussi, a deux points dans le match. Donc, Jonathan Hazen qui a été la vedette du match du côté des marqueurs, des Foreurs. Donc, comme on l'a dit, Cataractes, 3 défaites. On passe maintenant au Tigre de Victoriaville. Eux autres, par exemple, ça a bien été cette fin de semaine. Nicolas, je ne sais pas si tu avais... Avec le club qui ont, c'est pas étonnant que ça allait bien. Là, non, pas. Donc mercredi, tout d'abord, on affrontait le Drakkar de Baie-Comeau, qui en ce moment, eux, se battent là, pour une place dans les séries. Donc, le Drakkar qui va quand même assez bien dans les derniers temps, je vous dirais, qui essaie quand même là, de remonter la pente et de faire les séries éliminatoires. Mais là, méchante dégelée. 13-3 pour les Tigres de Victoriaville. Grosse victoire. Brendan Hines, 3 buts, 2 passes, 5 points dans le match. C'est excellent. Philippe-Michael DeVos, 2 buts, 2 passes, 4 points. Joël Champagne, 2 buts, 2 passes, même chose. Thomas Kubalik, 1 but, 3 passes. Je vous dirais que c'est vraiment une grosse victoire d'équipe avec exactement là, 10 marqueurs différents. Donc, je vous les nomme, les buteurs des Tigres. Yannick Dubé, Philippe-Michael DeVos, 2 buts. Brendan Hines, 3 buts. Yannick Gourde, 1 but. Joël Champagne, 2 buts. Thomas Kubalik, Guillaume Goulet, Chris Doyle et Emmanuel Boudreau ont chacun un but. Donc, une grosse victoire d'équipe là, du côté des Tigres de Victoriaville. Je vous dirais que à peu près toute l'équipe a participé à la feuille de pointage. Pas loin. Ouais, quand tu fais 13 buts, là... Il y en a une coupe canon là-dedans. Là, c'est en plein ça. Donc, ça a été vraiment une grosse domination, je vous dirais. Du côté des gardiens, c'était Antonio Mastropietro qui était devant les buts pour les Tigres. Lui qui est le deuxième gardien de but des Tigres. Du raccord de Baie-Comeau, quant à eux, ont débuté le match avec Simon Giroux. A été remplacé, là, en première période après le troisième but par Nathan Dunette qui justement est un ancien justement des Tigres de Victoriaville qui avait été échangé l'an dernier. Donc lui aussi a été remplacé après le huitième but et Simon Giroux a été de retour devant les buts mais n'a pu faire mieux lui aussi à en accorder 5 autres. Donc je vous dirais que ça a été une soirée très difficile pour les gardiens de but du Drakkar. C'est ça. Ouais. Donc, et dans ce match-là, en plus, Brendan Hines qui établit un record personnel, 5 points en un match. Donc, bravo à toi, Brendan. Ouais, ouais, c'est une belle réussite. Là, pour c'est une belle réussite. Puis pour Victoriaville aussi, on égale un record. Donc, 7 buts quand même en deuxième période. Donc, 7 buts en une période pour eux. C'est un record d'équipe là qu'on égalise avec l'année 1989, l'année 94 et l'année 2005. Donc, grosse victoire. On reprenait le vendredi contre les Maniacs de Lewiston. Je vous dirais que cette fois-ci, ça n'a pas été une grosse dégelée comme contre le Dracar. C'est mais encore une fois, une belle victoire de nos Tigres de Victoriaville. Les buteurs, 5 à 1 pour les Tigres. Les buteurs sont Thomas Kubalik, 2 buts. Joël Champagne, Emmanuel Boudreau et Brendan Hines ont chacun un but dans le match. Donc, victoire de 5 à 1 sur les Maniacs de Lewiston. Le seul marqueur du côté des Maniacs est Mathieu Bissonnette. Est-ce que tu te rappelles de M. Bissonnette? Oui, bien sûr. Lui qui ne voulait pas jouer à Chicoutimi parce qu'il trouvait que c'était trop un milieu francophone. Donc, Mathieu Bissonnette qui va très bien, soit dit en passant, depuis qu'il s'est joint aux Maniacs. C'était pas pour ça, c'est parce qu'il voulait juste pas être coaché par Martel. Ah ben ça c'est la réalité là. Peut-être la réalité mais c'est pas qu'est-ce qui a été annoncé. Lui il voulait vraiment jouer dans un milieu anglophone. Lui sa version à lui il l'avait dit c'est parce qu'il aimait pas le coach Martel, il trouvait qu'il était coach Martel. Il était un peu difficile avec les joueurs et c'était pas dans ses priorités à lui. Bon, ben écoute c'est son problème. Il avait dit mais c'est pas parce qu'il parle pas français puis il aime pas les français là, arrêtez de dire ça parce qu'il l'a dit en français non, ça et tout. Ça a un petit peu été pris comme ça aussi dans les nouvelles et dans les médias. Bien sûr dans les médias il y en a beaucoup qui sont emparés de ça pour faire un cas. Pour en faire un cas pour justement quand ils vont revenir. Je pense que mais qu'ils reviennent à Chicoutimi ils seront pas aimés. Ah ouais il va se faire huer mais je pense que aussi que les Chicoutimi s'en est bien tiré, ont obtenu des bonnes choses pour lui. Ben oui, là. C'est ça. Un premier, un deuxième, je pense, quelque chose comme ça. Là. Je pense que je l'ai pas devant moi, là, mais... Donc, dis ça, victoire de 5 à 1. Kevin Poulin en est à sa 28e victoire dans la saison pendant ce match. Lui qui égalait le record de nombre de victoires par un gardien de but pour l'éthique de Victoriaville. Qui était à égalité avec Mathieu Garon. On le connaît très bien, Monsieur Garon, qui a été gardien de but chez les Canadiens de Montréal, qui est maintenant rendu avec ça change beaucoup. Il est avec les Kings, là, c'est maintenant. Hey, je ne sais plus. Il n'est plus avec. Attends une minute, là. Bonne question. C'est là qu'on a besoin de Sébastien Proulx pour nous dire ça. Ouais, ils ont besoin de Colette dans ce temps-là. Je te cherche ça, là. Je te trouve ça dans à peu près 2 secondes, là. Parfait. Donc, en continuant, tout ça pour dire que. Donc, Kevin Blue Jackets de Columbus. Il rentre avec Columbus, c'est ça que je pensais, mais je n'étais pas certain. Je te dirais que ça change tellement. Ouais, ben, tu sais, il n'a jamais été un gardien stade dans la Ligue nationale, hein. Fait que ça ne l'a jamais. Non, c'est ça. Ben, c'est comme un gardien de but de deuxième plan, on peut dire. Exactement. Un bon deuxième. Pas avec lui, tu vas aller chercher une Coupe Stanley, je pense. Non, exactement. Donc, c'est ça. Donc, une deuxième victoire pour l'éthique de Victoriaville. Maintenant, dimanche, ils étaient à Chicoutimi pour affronter la troupe de Richard Martel, que M. Bissonnette adore. Donc, grosse victoire. Des Tigres de Victoriaville. Encore une fois, on peut appeler ça vraiment une dégelée. Première période, 4 à 0 pour les Tigres de Victoriaville. Donc, deuxième période, 6 à 0 pour les Tigres de Victoriaville. Et troisième période, début de troisième, 7 à 0 pour les Tigres. Aïe, ça fait mal. Les représentants là, du Saguenay qui ont mangé toute une volée, ça s'est terminé finalement 7 à 1. 7 marqueurs différents du côté des Tigres. Guillaume Goulet, Brendan Hines, Emmanuel Boudreau, Yannick Gourde, Travis McKezak, Olivier Champagne et Thomas Kubalik ont chacun un but dans la victoire. Et du côté des Saguenay-Chicoutimi, Emmerich Guilmette a été le seul buteur du côté des Sags. Et du côté des gardiens de but, Kevin Poulin, comme je l'ai dit plus tôt, avec cette victoire, dans le fond, est devançait Mathieu Garon au classement des gardiens de but des Tigres de Victoriaville avec 75 victoires en tout. Donc, félicitations, Monsieur Poulin, qui passe à l'histoire des Tigres de Victoriaville. Je vous dirais que c'est une marque qui est difficile à atteindre les temps qui courent puisque les gardiens de but changent beaucoup souvent de camp. Kevin Poulin, qui est à Victoriaville depuis, je crois, le début de sa carrière junior. Ou en tout cas, donc, sinon, il est arrivé... Il est pas arrivé tard, là. Il est pas arrivé tard parce que les Tigres ont quand même pas été des grosses équipes dans les dernières années. Donc, il a pas dû ramasser, là, 40 victoires par saison. Donc, je pense que il est là depuis le début. Dans les tirs, ça a été vraiment une domination pour les Tigres, 38 à 18. Mais je pense que c'est vraiment l'avantage numérique qui a beaucoup aidé les Tigres de Victoriaville. 4 buts en 7 occasions. Donc, c'est excellent. Donc l'attaque à 5 là, qui va très bien du côté des Tigres avec des joueurs là, comme on l'a dans cette équipe là, c'est dur de pas produire là, avec l'avantage d'un homme. Ouais, une grosse puissance Victo, la seule équipe t'as moi qui peut faire peur à Moncton un peu. Peut-être Saint-Jean, mais encore. Et Québec peuvent surprendre aussi, je vous dirais que je pense pas, c'est un peu comme l'an passé. Ouais, c'est ça. Comme pas sûr. C'est une bonne équipe, mais il manque la petite coche. Il manque un petit quelque chose, c'est certain. Du côté des gardiens de but, Chicoutimi, on a commencé avec monsieur Christopher Gibson, le jeune gardien de but de 16 ans, a été remplacé par Robin Gus en début de deuxième période, après les 4 premiers buts là, des Tigres. C'est ça. On se transporte maintenant aux Voltigeurs de Drummondville. Eux autres aussi avaient une grosse fin de semaine. Tout d'abord, vendredi, c'est à leur tour d'affronter le Drakkar de Bécomo. Et encore une fois, le Drakkar de Bécomo qui en ont mangé toute une. 8-1. 8-1 pour les Voltigeurs de Drummondville. Donc, ça n'a pas été facile pour le Drakkar, encore une fois, dans cette partie. Alexandre Comtois, Jonathan Brunel et Benjamin Larrabie, un but. Philippe Lefebvre, 2 buts. Et Gabriel Dumont, dans cette victoire, 3 buts. Donc, bravo, M. Dumont. Et du côté des marqueurs, Marc-Olivier Mimard, du côté des Drakkar, a été le seul buteur. La grande vedette du match, comme je l'ai dit plus tôt, Gabriel Dumont, 3 buts dans le match. Philippe Lefebvre, 3 points. Alexandre Comtois, 3 points. Donc, je vous dirais que ce trio-là a très, très bien produit dans le match. On a commencé avec Nathan Donnette dans les buts. Et finalement, ça a été remplacé par Simon Giroux. Donc, les deux matchs dans la fin de semaine, les gardiens se sont échangés beaucoup le rôle. La chaise musicale. C'est ça, la chaise musicale entre les gardiens du Drakkar parce que ça n'a pas été facile de leur côté. Jake Allen, tant qu'à lui, remportait une 18e victoire cette saison. Donc Allen qui va très très bien mais quand même a pas été quand même trop occupé dans le match, reçu seulement 25 tirs, donc 24 arrêts là, pour Monsieur Allen. Donc c'est dans cette partie-là qu'il y a eu le coup de Olivier Hutt sur David Clich. Oui, vas-y, moi j'ai pas vu les images. C'est ça, ben moi aussi je trouve que les images ont pas sorti beaucoup non, dans les médias. Non, comparativement à Scandella et Cormier qui sont des vedettes. Pourtant la partie était sur TV Cogeco là, donc la qualité de l'image était de loin supérieure aux deux fameux autres mises en échec, c'était plus qu'on voit qu'il y avait plus de brouillard que sur les pistes de ski à Whistler présentement. Donc en passant la descente est reportée aujourd'hui là, je pense que c'était Super G aujourd'hui, j'essaie de sortir ça, je donne ça dans 2 secondes. Ski alpin, la descente du super combiné des hommes reportée et le slalom du super combiné reporté aussi aujourd'hui, nos informations qui nous disent ça présentement. Donc, écoute, j'ai vu la mise en échec. Il restait pas grand temps. C'est ça qui est un peu dommage. Bon, le défenseur, il passe, pas idiot, il rentre, bon, sur le côté. C'est une mise en échec. Certains disent du coude. Moi, je vois plus du haut de bras. Entre l'épaule puis le bras, mais je vois pas le coude. C'est un contact. Est-ce que ça mérite une suspension premièrement, à la lumière de ce que Scandella et Cormier ont reçu? Premièrement, il a reçu une inconduite de partie, donc en tant que tel, c'est une suspension automatique d'un match, je ne me trompe pas. Si tu suspends pour ça, c'est parce que c'est à la tête un peu, ça vaut pas plus que 3 matchs. Non? Non. Des coups de même, il y en a à longueur d'année, là. Mais Clich était étendu sur la patinoire mais sans comme mouvement. Mais comme c'est fin de match en plus, fait que c'est ça qui est un peu plus... Ouais. Mais c'est pas... Ça, je trouve que ça avait rien à voir avec Cormier puis ça avait rien à voir avec Scandella personnellement. Mais en effet, c'est pas mal moins sorti dans les médias. On a entendu moins parler parce que Hutt est beaucoup moins connu. Là. Scandella et Cormier étaient deux joueurs de l'équipe Canada Junior t'as très raison lors du dernier championnat mondial. T'as très, très, très raison là-dessus. C'est vraiment un... C'est, têtu. Là. C'est représentatif de toute la chose, toute l'histoire, c'est ouais. ça. Puis c'était contre des remparts, donc aussi, ce qui n'a pas aidé. Aussitôt que tu fais parler de Patrick Roy, bon, ben, les médias accourent un peu plus. Ouais, ben, ça, c'est d'un bord comme de l'autre. Là. On sait quand les remparts sont d'un coup. Mais on sait quand les remparts sont d'un côté, on l'entend, puis en mal. Là. Non, mais je dis pas rien contre les remparts. En tant que tel, là-dessus, je dis que quand ils ont la chance d'avoir Patrick Roy en entrevue, ils se grouillent d'aller le chercher. Ouais, ça c'est ça. Tandis que l'entraîneur de Bécomo, bon ben malheureusement les médias de Montréal. Il se passe de quoi à Lewiston, par exemple, puis on n'entend beaucoup moins parler dans les médias. Ben c'est ça, ou Bécomo, tu sais, fait que c'est la bonne vieille Franquette. C'est la bonne vieille couverture médiatique de la Ligue junior majeure du Québec par les médias de Montréal. T'as bien raison. Par les gros médias. Tu ne pourrais mieux dire, Nicolas. Merci. Donc on continue dans les matchs, derniers matchs de la fin de semaine pour nos équipes du Centre du Québec et de la Mauricie. Donc, Voltigeurs de Drummondville qui affrontait les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, c'était un très gros match, Nicolas, à prévoir entre ces deux équipes. Même si les Huskies sont privés de Patrice Cormier, je crois que les Huskies ont quand même une très bonne équipe là, pour aller loin en séries éliminatoires. En effet. Donc, Voltigeurs de Drummondville, ça a été un match très... très, très, très serré. Première période, les Voltigeurs qui prennent les devants 1-0 sur un but de Jonathan Brunel. Finalement, les Huskies vont créer l'égalité toujours en première période sur un but de M. Jordan Caron. Et deuxième période, c'était toujours 1-1. Donc, aucun but en deuxième période. Troisième période, Gabriel Dumont qui redonne les devants aux Voltigeurs de Drummondville par la marque de 2-1. Mais finalement, les Huskies qui vont venir créer l'égalité sur un but de Jean-Sébastien Bérubé. Donc, 2-2. On se transporte en prolongation, toujours pas de but. Un excellent duel de gardien entre Jake Allen et Nicolas Champion des Huskies de Rouyn-Noranda. Finalement, on devra se transporter en fusillade. Et même en fusillade, ça a été très difficile. On est allé jusqu'au cinquième joueur. Donc, en fusillade, par exemple, du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, Desjardins, Obstachuk, Jordan Caron, Jérôme Gauthier-Leduc et Philippe Cornette ont chacun été contre M. Jake Allen. Et Jake Allen qui a très bien fait 5 arrêts contre ses 5 excellents joueurs. Et du côté des Voltigeurs de Drummondville, Alexandre Comtois, Gabriel Dumont, Charles Couturier et Marc-Olivier Jasson ont chacun été arrêtés par M. Champion. Mais c'est finalement Jonathan Brunel, encore une fois, lui qui était l'auteur du premier but du match, qui a été capable de déjouer le gardien Nicolas Champion. Donc, on va chercher un gros point, je vous dirais, du côté des Voltigeurs de Drummondville. En l'emportant en fusillade sur les Huskies de Rouyn-Noranda, parce que c'est très serré entre l'éthique de Victoriaville et les Voltigeurs. Ouais, c'est égal. Donc, chaque point est important. Donc, c'est égal au classement, puis Victoriaville 80 points chaque. Deux matchs en main pour Victoriaville. C'est ça. Donc, bon, pour Drummondville qui ont deux matchs en main. Donc, Drummondville a deux matchs en main. Puis ça va bien pour les deux équipes. Hein. On regarde leur série. Les Voltigeurs qui ont 4 victoires pour l'instant de suite. Les Tigres qui ont 5 victoires de suite. Donc, on joue vraiment pour le championnat. Au chat et à la souris, on se court après. Parce que l'avantage de la glace est très important. Oui. On finit premier dans la section. Finalement, on va en deuxième ronde des séries. On va être quoi? Deuxième probablement dans la ligue. Si on termine en bas, en deuxième rang de la section, finalement, on va se ramasser 5-6e au classement. Donc, on perd l'avantage de la glace dès la deuxième ronde. Donc, c'est pour ça que c'est important là pour les Tigres ou les Voltigeurs de terminer au premier rang. On parle un petit peu de Marco Scandella. Donc, la sentence est sortie la semaine dernière. 15 matchs de suspension pour Marco Scandella, qui est exactement là depuis le début, là, qui est exactement d'ici la fin de la saison. Donc, on va le suspendre pour le reste de la saison. Pourra être de retour dans les séries si jamais les Foreurs les font. Parce que les Foreurs, là, pour l'instant, ne sont pas encore assurés de participer aux séries d'après-saison. Donc, en espérant pour les Foreurs qu'ils s'en sortent sans scandale pour peut-être leur avoir en première ronde des séries contre les Huskies. Sans être assuré, ils devraient les faire. Là, je veux dire, Bécomo... Non, devraient les faire, mais Bécomo c'est pas ça. Bécomo est à 12 points, c'est énorme. Là, quand c'est quand même beaucoup là, avec seulement 10 matchs ouais, à jouer. C'est ça, là. Faudrait vraiment que le Drakkar des bandades puis avoir qu'est-ce qu'ils ont joué en fin de semaine, je pense pas qu'ils remontent le classement comme ça. Donc les joueurs de la semaine, encore une fois la semaine dernière, c'était deux joueurs de la Mauricie des Centres du Québec. La semaine passée, c'était je me rappelle pas exactement qui c'était, mais c'était deux joueurs des Tigres, un joueur des Tigres, un joueur des Cataractes. C'était Poulin puis c'était Bournival. Kevin Poulin et Bournival, et voilà, tu ne pourrais dire mieux. Et cette semaine, encore une fois, c'est des joueurs du Centre du Québec et de la Mauricie. Donc offensif, Brendan Hines, 5 buts, 3 passes, 8 points en 3 matchs dans les 3 victoires des siens. Donc, 3 victoires des Tigres de Victoriaville. Hines qui va très bien dans les temps qui courent. Brendan Hines qui est encore jeune, là, qui dans les prochaines années devrait ans, être 17 ans seulement, ouais. Qui devrait être une vedette là, dans les prochaines années. T'as mis ça pour repêcher une nationale cette année? Je pourrais pas te dire, je pense que peut-être voir pas. Ça, là. Va me dire ça, mon Nicolas. En passant, Brendan Hines, depuis le début du mois de février, a accumulé 13 points en 5 matchs. Donc, c'est excellent. C'est une moyenne de 2, quelque chose points par match. C'est excellent pour Monsieur Hines. Et du côté défensif, Nicolas, c'est Monsieur Jake Allen qui est le joueur défensif de la semaine. Lui qui a avancé 3 victoires avec une moyenne de 1.30 dans ses 3 matchs. Donc, c'est excellent. Allen qui se reprend beaucoup, là. Jusqu'à maintenant, là, on n'avait pas vraiment démontré. C'était la vedette qu'il était lorsqu'il était chez les juniors de Montréal et la vedette qu'il était au championnat mondial junior. Là, il n'avait pas démontré ouais. Là, avec les Voltigeurs, mais finalement, ça va très, très bien. On regarde un petit peu le classement. Je te reviens sur Brendan Hines. Oui, il était admissible cette année. En date du 12 janvier 2010, lorsqu'ils ont sorti le rapport de mi-saison de la centrale de recrutement nationale, il est 200e. Ouais. C'est élevé. Mais il y a le temps de monter, c'est sûr ouais. Que Hines... Mais avec des performances comme ouais, qu'ils ont en ce moment, ça va probablement monter. Probablement, là, d'après moi. Mais tu sais, il y a quoi comme carreux, Hines? Sais-tu? Ben, c'est un bon petit choix. Ouais, non, je sais qu'il est bon, mais au niveau physique... Pour aller vérifier. C'est ça. 5 pieds 9, 176 livres. C'est pas pour rien qu'il est 200e. T'sais. Non, c'est ça. C'est malheureusement. Ça. Donc, je te laisse continuer avec le classement. Oui, ben, on parle du classement très, très, très, très rapidement. Donc, tout d'abord, on parle de la section TELUS Centre. Ben, on l'a dit plus tôt. Une grosse course là, entre les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs. Quant à savoir qui terminera au premier rang. Et les Cataractes de Shawinigan qui sont assurés de terminer au troisième rang de leur section. Les Maniacs qui se battent encore, eux, pour faire les séries. Donc, ça sera-tu les Maniacs qu'on va affronter en première ronde? Ça va-tu être le Titan? Donc, c'est ça la grande question qu'on se pose beaucoup du côté des Tigres ou des Voltigeurs. Mais peu importe, je pense que peu importe qui on affronte en première ronde, on veut terminer ouais, au premier ça. Rang. Parce que les Cataractes, qui seront pas nécessairement une équipe facile à battre en séries éliminatoires, si on regarde ça, les Cataractes, cette année, qui ont quand même une bonne fiche, 28 victoires, 23 défaites, 3 défaites en prolongation et 4 défaites en fusillade. Donc, en temps réglementaire, on joue en haut de 500 de beaucoup, là, de 5 matchs pour les Cataractes. Donc, on joue quand même pas contre n'importe qui. Les Cataractes, que je pourrais quasiment comparer là, au Remparts de Québec. Ouais, mais sont comparables. J'irais plus avec les Remparts. Il y a quand même un peu d'inconstance du côté des Cataractes. Ouais, ça, c'est clair et net. On l'a vu cette fin de semaine. Ouais, exactement. 3 défaites, dont une contre les Foreurs. C'est beaucoup d'inconstance. On continue dans la section TELUS S. On parlait justement des Remparts de Québec. Donc, les Remparts de Québec qui sont presque assurés de terminer au premier rang devant l'Océanique de Rimouski. Donc, on devrait avoir droit là, à une série océanique saguenéen comme l'an dernier. Donc, l'an dernier, en première ronde des séries, l'Océanique avait affronté les Sags. Cette année, ça sera encore une fois, mais je crois que cette année, là, les Saguenayens vont peut-être être capables là, de rivaliser contre l'Océanique, contrairement à l'année passée, que ça s'était terminé très, très facilement. Les Remparts, donc, eux affronteront soit le Drakkar, soit le Titan d'Acadie Batters. Pour l'instant, c'est le Titan. Donc, c'est ça, les Remparts qui devraient affronter les Titans. Ensuite, dans la section Atlantique, bien sûr, c'est la section la plus serrée. Donc, les Sea Dogs de Saint John, 93 points. En ce moment, dominent dans la ligue. Moncton est très loin derrière. Donc, je ne crois pas que les Wildcats seront capables de rattraper les Sea Dogs d'ici la fin de la saison. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Non, je penserais pas moi non plus. Non, ça va être quand même très difficile parce que les Sea Dogs, qui n'en perdent pas beaucoup non plus dans les temps qui courent, qui d'ailleurs en ce moment au premier rang de la Ligue canadienne de hockey. Donc, ouais. c'est pas n'importe qui. Première ronde des séries là, qui devrait être très, très palpitante, comme on sait. Les Sea Dogs qui devraient affronter soit le Rocket ou les Screaming Eagles et les Wildcats même qui affronteront le troisième rang. Donc, ça ressemble pas mal à ça du côté de l'Atlantique. Puis TELUS West, ben là, c'est beaucoup Rouyn-Noranda au premier rang. Des équipes de... Ben, à part Rouyn-Noranda, des équipes de bas classement. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Gatineau et Montréal qui luttent en ce moment pour qui aura l'avantage de la glace en première ronde. Et c'est pas facile de leur côté. On regarde ça. Gatineau, 4 défaites dans 2 victoires seulement dans les 10 derniers matchs. Montréal, 3 victoires seulement dans les 10 derniers matchs. Donc, c'est pas facile pour ces deux équipes-là. En effet. Et nouvelle de dernière minute, c'est les candidats au trophée Marcel Robert, meilleur joueur étudiant, qui sont sortis du côté des Cataractes, c'est Pierre-Alexandre Vandal. Du côté des Voltigeurs, Marc-Olivier Vachon, donc les deux capitaines. Et du côté des Tigres de Victoriaville, c'est Joël Chouinard qui s'est... Trois personnes et tous des joueurs qui vraiment mettent beaucoup d'emphase sur leurs études, en plus de leur carrière de hockeyeur. On s'en va une pause, au retour, on fait le tour des petites nouvelles. Et vers 10h et... Bon, pas loin de 10h30 quasiment, là, rendu à l'heure qui est. On vous parle des Olympiques. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. C'est fou, c'est fou, c'est comme un balai. Et c'était Mimi Van Der Glo avec la chanson « Demain, je travaille ». Donc, une petite chanson, pas courte, mais qui en dit tellement long sur les intentions du gars. Donc, on y va rapidement. Moi, j'y vais avec la Ligue nord-américaine de hockey qui a perdu une équipe la semaine dernière. Toujours très, très professionnel de la Ligue nord-américaine de hockey. Hein? C'est Pont Rouge qui est mis dehors de la Ligue parce qu'il avait dépassé, l'équipe avait dépassé le cap salarial et ont été mis à l'amende 18 000 on fusé de payer l'amende. Toute donc, ils se font mettre dehors. C'est terminé pour eux. De retour l'an prochain? Je sais pas. Ben, personnellement, tu veux-tu mon avis, là? Pas sûr que la Ligue nord-américaine de hockey va être de retour l'an prochain. Non, moi non plus. Je doute fortement de la chose. C'est un peu broche à foin présentement, puis ça va pas mieux. Ben, c'est rare qu'on voit ça quand même, là, une équipe qui se fait mettre dehors en plein milieu de saison. Là. Non, c'est exactement ça. Donc, bon, écoute, c'est ça, puis il n'y a pas grand club, les foules sont en baisse, puis tout. Donc, si tu veux mon avis, il n'y en aura plus de la Ligue nord-américaine l'an prochain. Ben, moi, peut-être, je leur donnerai peut-être une autre année. Ben, t'es rendu à ces équipes, c'est plate, pas à peu près, ces équipes-là. Ouais. C'est cette équipe, puis t'as gros, tu sais, Jonquière, puis Thetford, puis Sherbrooke, puis Rivière-du-Loup. C'est pas les places à côté, t'as quand même, tu sais, de l'autobus à faire, là. Donc, en tout cas, on verra bien, là. C'est pas comme le Midget 3, là. Faut que t'aies payé tes joueurs là-dedans, tandis que le Midget 3, c'est eux autres qui payent. Fait que c'est ça la différence. Ouais, ouais, ouais. Dans les résultats, ça n'a pas été une bonne semaine pour le Caron et Guy. Ils se sont inclinés deux fois. La première fois, c'est contre le Marquis Jonquière, justement, au Palais des Sports du Saguenay. C'est par la marque de 2-1, le match qui débutait à 20h30, donc c'est tard quand même comme début de match. Et le 14 février à 16h, dimanche après-midi, ils affrontaient le Saint-François de Sherbrooke ici même à Trois-Rivières. Ils se sont inclinés par la marque de 3-0, donc mauvaise semaine pour eux, pour le Caron et Gay qui, à cause de ça, a perdu la tête du classement. C'était un match de 4 points contre le Saint-François. Ils sont maintenant deuxième avec 51 points, derrière le Saint-François avec 52 points. Midget 3A, Pierre-Luc? Oui, Midget 3A. Les Estacades, cette fin de semaine, qui avaient deux matchs. Tout d'abord, samedi, ils étaient à Trois-Rivières. Ils recevaient les Élites de Jonquière. Une grosse victoire, 4-3 pour nos Estacades. Maxime Saint-Cyr dans le match, 3 buts, 1 passe. Michael Langlois, 4 passes. Donc, ça a très bien été là, pour M. Saint-Cyr et M. Langlois. Alexandre Perron-Fontaine, qui lui a avancé l'autre but des siens. Donc, victoire des Estacades, 4-3. Le lendemain, on recevait le Collège Notre-Dame, qui est dernier au classement dans la division. Et malheureusement, les Estacades qui l'ont échappé. Donc, défaite de 4-1 devant le Collège de Notre-Dame. Jordan Côté a été le seul buteur du côté des Estacades. Au classement, si on regarde un peu le classement général, le Séminaire Saint-François qui est toujours au premier rang du classement de la division avec 30 victoires, 8 défaites et les Estacades qui sont au deuxième rang avec 53 points. Donc, je ne crois pas là, que ça soit faisable pour les Estacades d'aller chercher le premier rang face au Séminaire du Saint-François qui sont tellement une bonne équipe cette saison, le Séminaire Saint-François, là, qui devrait aller loin cette année, là, je crois, dans le Midget 3. Et vendredi, donc, les Estacades de Trois-Rivières qui seront à Lévis pour y affronter les Commandeurs. Et dimanche, ils recevront ici à Trois-Rivières le Collège Antoine Giroir. Et donc, quand j'entends le joueur de Saint-Hyacinthe dans mon coin. Oui. Collège La Flèche dans le collégial 3A se sont inclinés cette fin de semaine. Difficile défaite de 6-0. Donc, la défaite va à l'affiche de Benjamin Millette. Vraiment pas un bon résultat pour eux qui se battent pour le classement. Ça les fait descendre au quatrième rang. Ils sont présentement, eux qui occupaient le deuxième rang, il n'y a pas si longtemps que ça. Avec 24 points en 19 matchs, c'est Alma qui est toujours premier. Donc, une défaite de 6-0 contre la meilleure équipe de la Ligue. C'est ce que ça donne. On s'en va en musique, avant, juste une nouvelle pour parler des Rafales de Mauricie. Je sais pas si tu te rappelles de eux. Une équipe complète de filles qui se rendait au tournoi de Pee-wee, hockey Pee-wee à Québec. Donc, au premier match, affrontait dans le Midget 2, dans le Pee-wee 2B, affrontait les Harfans de Beauport, donc ma ville exactement, pour qui j'ai déjà hommes. Joué. C'est ça, ils affrontent des hommes. Ils affrontent des hommes, ouais, juste avec tout contre des gars. Puis, on s'attendait probablement à ce que les Harfans de Beauport battent facilement les filles de la Mauricie, mais non, ça a été un match très, très serré. Victoire de 1-0 seulement des Harfans de Beauport. Donc, les filles se sont très bien défendues dans ce match. Donc, ils joueront là, leur deuxième match là, à l'Arpidrome de Charlebourg. L'Arpidrome. Dans le, ouais. Ça, c'est un nom, l'Arpidrome. L'Arpidrome. C'est lettre. C'est lettre. Ça fait aréno. Arpidrome. Non, mais c'est beau, l'Arpidrome, par exemple. OK, OK. C'est un très beau centre sportif. Il y a des, il y a des piscines, il y a deux glaces. Mais c'est quoi, donc, ça veut dire Arpidrome? Bon, je peux pas dire, là, mais écoute, on a donné ce nom-là. C'est aussi pire qu'à appeler ça... J'ai hâte d'avoir la comparaison que tu vas m'avoir. Non, parce c'est que, ça, j'en ai pas. C'est ça, parce que Arpidrome, c'est là, trop c'est ça, tough hein? à battre, ouais. Arpidrome, là. Donc, félicitations aux filles des Rafales. Ouais, ouais, là, ouais. Je sais pas, je trouve que vous êtes un bel exemple pour les filles. Toutes les filles qui pratiquent le hockey, ouais. qui pratiquent les sports. Pas seulement le hockey, ça peut être... Ouais, ça, tous les sports, vraiment. Là, je sais pas, les filles, vous êtes talentueuses et vous êtes bonnes. Donc, on s'en va en musique, on va écouter Le Monde est aveugle, l'Assemblée. Et au retour de la pause, on vous parle de la pause musicale, on parle des Olympiques, nos appréciations, nos déceptions et nos surprises. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On n'a pas tous la même chance, chacun son étoile. Ici les murs parlent mais nous cachent les secrets de l'État. Moi j'ai déchiffré les codes, les policiers nous collent juste pour enrichir les coffres, agissent comme des enfants d'école. On est proche d'une révolte, on t'enferme pour un vol. On laisse l'impôt venir taxer l'argent dans nos poches. Dehors c'est le désordre, les jeunes testent l'autorité parce qu'ils détestent les ordres. À 13 ans veulent être des hommes, on croule sous la pression. La bourse dégringole, le pays vit une récession. Les pères de famille perdent leur job. Du mouvement terroriste pour faire bouger les choses, un peu comme en 70. Pendant la crise d'octobre, c'est fucked up. Même nos athlètes sont pas propres. Des modèles pleins de botox, une société qui a pas de colonne. Vive le monde moderne, on dit je t'aime par message texte. L'important c'est de bien paraître, bien si paraître. Tu veux qu'on t'accepte. Les yeux fermés, on dort. Le monde est aveugle. Le jour, la nuit et le soir. Le monde est aveugle. Les heures de sommeil illusoires. En tentant d'échapper au sort, on vit pas. Prétendent tous être du bon monde, avoir des bonnes valeurs. So dis-moi pourquoi les prisons débordent. Pourquoi y a tant de voleurs? On veut pouvoir raconter qu'on fait un bon salaire pour mieux payer les comptes qu'on nous impose. Toi, combien tu gagnes alors? Les gens sont contents de tellement peu. Quand ça brasse, on fait rien. On est tellement peureux. Pourquoi chialer si dans les faits t'agis pas? On serre les coudes seulement quand ça va mal. Comme pour Cédric, on dort la nuit, on dort le jour, on dort tout le temps. Se fermant les yeux dans le désert, appréhendant les coups de vent. Mets ton coup de vent, sinon courir fou le camp. En fixant l'horizon comme si t'attendais Dieu coucou le camp. On est un peuple de fake où règne l'hypocrisie. Les jeunes ont remplacé la Bible avec un CD. Gravé Twizy. Plus ça change, plus c'est pareil. Un credo qu'on nous enseigne. On a conçu des armes pour des gens sains. Les yeux fermés, on dort. Le jour, la nuit et le soir. Le monde est aveugle. Dans un sommeil illusoire. Le monde est aveugle. En tentant d'échapper au sort. On vit pas. On consomme sans arrêt, pas une seconde à perdre. On préfère tout avoir que tout savoir sur la planète. L'art de bien paraître, l'âme qui crie à l'aide. On est malade quand je vois la masse, j'éprouve un énorme malaise. Dors sur tes oreilles, dans un profond sommeil. Dans ton petit confort, tant mieux si pour toi tout est correct. Dehors on fait le commerce, on rase les forêts. Augmente le prix du gaz, on est esclaves des gros bonnets. On chiale, on accepte son sort. Ici les sourires sont rares, sauf quand on touche quelques dollars. Les histoires de l'homme deviennent des histoires de mœurs. La violence de l'homme pour toujours gravé dans nos mœurs. J'ai de la misère à croire qu'on peut s'en sortir. Hier c'était grave, aujourd'hui c'est encore pire. On se plaint mais on reste assis sur nos lauriers. Incapable de dormir, y'a trop de stress, beaucoup sont d'insomnie. Les yeux fermés, on dort. Le jour, la nuit et le soir. Le monde est aveugle. Dans un sommeil illusoire. Le monde est aveugle. En tentant d'échapper au sort. On vit pas. Et c'était l'Assemblée avec la chanson j'ai un blanc, Le Monde est aveugle de leur dernier album Personal Angrara. Donc, on y va, puis à Luc, avec les Olympiques. Ben oui. T'as écouté la cérémonie d'ouverture, pas de son, tu disais? Pas de son, mais quand même. T'as-tu vu les images pareilles? Ben oui, j'ai vu les images. Ça repassait toute la nuit, là, mais vraiment à tous les postes. Là. Ben écoute, j'ai écouté Wayne Gretzky avec le flambeau qui a fait le tour de la ville de Vancouver en pick-up. Ou qu'à un moment donné, on se demandait quasiment si le flambeau allait pas s'éteindre. Finalement, on a pris un flambeau de sécurité pour... Il y a un de mes chums qui m'a appelé, il dit « Hey, tu checkeras le pick-up à... » C'était un mécanicien en plus. Il dit « Tu checkeras le pick-up à Gretzky, la lumière en avant est brûlée. » C'est bon, ça. C'est bon. Mais t'as-tu vu le bras qui a pas sorti de terre? T'as pas entendu parler? Bon, il allumait deux vasques olympiques. Une à l'intérieur du BC Place. Oui. Une à l'extérieur. Ouais, ben, si j'ai vu la première, puis finalement, il se promenait, puis elle en allumait une autre. La première, par contre, il y était quatre personnes pour allumer. Nancy Green, qui est une des plus grandes athlètes canadiennes. Wayne Gretzky, Catriona Lemedon, puis Steve Nash, des Suns de Phoenix. Donc, on arrive, puis t'as quatre bras qui sortent du sol, qui font un genre de rotation, puis ils viennent se placer comme en X autour d'une plus grosse vasque. Problème, c'est qu'il y en a un qui a pas sorti. OK? Fait que là, t'en as juste trois. Mais t'as quatre personnes pour allumer comme chacun de leur coin. Puis là, t'as un malaise. Puis là, ça l'attend. Puis là, tu vois tout le monde qui se regarde, qui sont comme genre « Ah non, ah non, ah non ». Puis là, j'imagine qu'en dessous de la scène, ça devait runner pour essayer de donner des coups de pied dedans pour le faire partir. Ça a jamais levé. Fait que là, j'imagine qu'il y avait des oreillettes, je sais pas, mais... Fait que là, t'as la gang qui font comme « Bon, OK, allumé, puis Catriona, tu vas juste marcher vers l'extérieur. » Là, t'es vois genre, il allume, toi, Catriona, mais d'autres qui marchent vers nulle part, pas tout, qui s'en va. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Tout le monde qui écoute ça aussi, c'est pas toujours facile, là, de... Tu sais, il peut y avoir des petites affaires comme ça, c'est comme dans n'importe quoi, dans un spectacle, des choses comme ça, ça peut arriver, là. Exactement, puis en tant que tel, c'est ça, c'est un petit... c'est pas arrivé au bon moment, tu sais, mais c'est un petit bémol sur une soirée qui était quand même très bien. Qui a très bien été. Moi, j'ai adoré la cérémonie d'ouverture, c'était incroyable, je te dirais, c'était beau à voir. Je suis pas un grand fanatique de l'art, mais je te dirais que qu'est-ce que les Jeux de Vancouver ont fait comme cérémonie, c'était exceptionnel, c'était très beau à voir. Là. C'est sûr que c'était pas Beijing, pis c'était pas Sydney qui en avait toute une, mais c'était quand même rester dans notre culture aussi. Premièrement, c'est parce que c'est des Jeux d'hiver, donc c'était un petit peu plus difficile. Deuxièmement, c'est un stade couvert, fait que je pense que ça te limite au niveau des feux d'artifice, puis au niveau de plusieurs possibilités. Par contre, ils ont su bien utiliser le fait, les nouvelles technologies. Écoute, le sol était quand même devenu un genre de... C'est un écran, ou je sais pas de où... Je sais pas de où s'envoyaient les images, mais t'avais des baleines à un moment donné qui passaient, puis ça envoyait de l'eau dans les airs. Mais ouais, ça sort de où, cette eau-là? Puis je trouve que les gens qui ont travaillé là-dessus... Puis tu sentais un peu d'influence du Cirque du Soleil sur certaines choses aussi. Ben oui, vraiment. Mais on y a été très, très culturel, très canadien, les violons, les Amérindiens, Nelly Furtado, Brian Adams, là. Tant qu'à sortir des squelettes du placard, là, tant qu'à sortir des has-beens, on va en sortir. Donc ça, je suis content de pas avoir vu Céline Dion. Par contre, on a eu le droit à se taper Garou, là. Ouais, Garou, quand j'ai vu ça, j'étais comme... pas de son en plus, là, c'est quoi qu'il fait là? Il chante ça en anglais, il chante ça en français. Donc, chanteur français, je chantais une chanson de français de Jean-Pierre Ferland. Okay. Donc, en tout cas. Mais il y a eu beaucoup de plaintes par contre. Ça, c'est sûr que c'est pas dit exactement dans plusieurs médias. Tout à fait normal. Surtout les médias qui diffusent les Jeux Olympiques parce comme que RDS. Tu veux pas te mettre personne de dos. Que le consortium en tant que tel. Immense de RDS, c'est CTV, Sportsnet, TSN, APTN, RDS, V, RIS, V qui est un des grands fournisseurs. Ça prenait une chaîne généraliste, donc V, pas pour rien les Rémillard ils ont acheté V, parce qu'ils savent que pour les trois prochains Jeux olympiques, c'est V qui a de l'argent. Puis c'est sûrement pas eux qui ont mis le plus d'argent pour là-dedans. Ils sont comme le pneu de secours en arrière, parce que ça prenait une télé généraliste. Fait que tu pouvais pas avoir Radio-Canada parce qu'eux autres, ils présentaient de quoi de leur bord. Ouais. Tu pouvais pas avoir TVA parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils ont des téléséries à présenter. Québec-Montréal. Ouais, puis c'est ça. Donc, y a-t-il quelqu'un sérieusement qui a écouté la série Québec-Montréal dimanche? Non. Ça me surprendrait. Ouais, en tout cas, pas dans mon cas. J'ai pas regardé rien de ça. Donc c'est ça. En tant que tel, c'est présenté comme ça. Donc, les Rémillard vont faire une belle poignée d'argent là, pour ces trois Jeux olympiques-là. Non, mais je voulais juste mettre une petite parenthèse là, pour la série Québec-Montréal. J'ai pas les chiffres exactement. Non, mais la fin de semaine du Super Bowl, beaucoup plus de... Il y avait... Je pense, j'ai pas le chiffre exactement, mais il y avait plus de monde qui écoutait la série Québec-Montréal que le Super Bowl. Ouais, mais y a ça m'a beaucoup surpris. Gros du monde écoute le Super Bowl en anglais. Ouais. Gros du monde écoute le Super Bowl en gang aussi. Ouais, c'est sûr que quand tu peux t'es pas 10 pogner, dans la même place, puis ça te donne une cote d'écoute, c'est pas mal. Toi, plus t'as bien ça. Raison ben là-dessus, par pis exemple. Puis t'as tout le temps le fameux quota de TVA de la bonne femme qui écoute TVA, peu importe ce qu'il joue c'est à ça. TVA. Puis elle est seule chez eux, elle seule dans son chez appartement. Puis elle écoute même pas, elle fait son chapelet, puis. Attis en même temps. Donc, c'est ça. Allez, on va aller une pause. Au retour, on va parler plus des compétitions, des choses. On va parler un peu justement de la couverture. Qu'est-ce qu'on apprécie de ce consortium télévisuel? Qu'est-ce qu'on a peut-être moins aimé? Donc, pour nous joindre, s'il y a des choses qui vous ont tapé ses nerfs, envoyez-nous un email, on va en parler. Live, L-I-V-E, A commercial, inconduitedepartie.com et le site web inconduitedepartie.com, tout simplement. On s'en va une pause, faut payer des billes, on s'en va bientôt. Je suis fan de Poulette. Ça te fume. Vous êtes la radio de l'université. Ta langue le chatouille. À l'œil toi et toi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, et je vous suspends toi et toi. Écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. Some of them fall, but could have been, I know them all. Doesn't fade away. We are the true believers. Voilà, Cyril Alexandre Bilodeau, médaille d'or. Incroyable, et les gens frappent à notre cubicule ici. Et là, c'est incroyable, la foule. Et vous l'avez entendu, la médaille d'or d'Alexandre Bilodeau. Écoute, je pense que c'était... On en parlait, c'était un moment historique pour le Canada en tant que tel, parce que c'était la première fois qu'un athlète canadien remportait une médaille d'or sur son propre territoire. En sol canadien. En sol canadien. Donc, quand même, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Là. Oui. T'as eu deux Olympiques avant à Montréal. C'est un Québécois. Montréal, qui avait... Je pense personne avait... Non, pas, je ne sais pas s'il est de Montréal, mais je veux dire, aux Olympiques de Montréal. Ah, oh, il est de Montréal aussi. Okay, bon. Il n'avait jamais rien gagné. Ouais, à Montréal, je veux dire, aux Jeux olympiques de Montréal, le Canada avait à peu près rien gagné. Calgary, on avait eu quelques médailles, mais pas des grands succès. Cette première fois, c'est fait. Ce sera pas la dernière, j'ai l'impression non, aussi. Cette année, mais ils sont donnés aussi là, au niveau de tout ce qui est organisation. C'est là, 10 ans à peu près qu'on s'est décidé du côté du gouvernement d'appuyer comme c'était, tu sais, vraiment d'appuyer solidement les Jeux olympiques, les équipes olympiques en tant que telles qui souvent ont manqué un peu d'être soutenus ou les programmes. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait devenir une nation puissante de ce côté-là. Surtout du côté d'hiver, on s'entend qu'on a beaucoup plus d'athlètes l'hiver. Oui, c'est ça. T'as comme un joueur de hockey qui, bon, vont plafonner, vont finir ça junior, puis c'est terminé, mais que leur avoir mis des patins de vitesse dans les pieds, puis écoute, ils seraient puissants. Ou, tu sais jamais, mais à la place d'un hockey, ça aurait été un javelot. Oups, tout d'un coup, ben, Gadon, tu viens de créer un monstre physique, un phénomène, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, quelqu'un qui sort vraiment de l'ordinaire en tant que tel. Donc, on va parler des Olympiques. Puis, Luc, toi, t'écoutes ça à quel poste? Moi, j'écoute ça à RDS, puis quelques fois en anglais, quand que j'aime mieux qu'est-ce qui se passe à TSN qu'à RDS ou à V aussi. J'ai été à V un peu aussi. OK. Je dirais que je me suis promené un peu. OK. Moi, personnellement, ce que j'aime de ces Olympiques-là, c'est que tout est live. Ouais. Tout est vraiment en direct, bien comme il faut. Par contre, il faut que tu le pognes. Si tu manques ta shot, t'es fait. Ouais. Parce que, ben, ils vont passer ailleurs, ils vont passer en tant que tel. Mais le fait d'avoir autant de postes que ça, tu sais, on les a nommés là, tantôt, on a plusieurs, là. C'est. J'ai pas la fiche devant moi, mais c'est quoi? C'est 7 postes à peu près, là? C'est des très gros postes. Très, tu sais, c'est 7 postes. Donc, en même temps, ce qui arrivait avant, là, dans les anciens Olympiques, comparé à. Bon, depuis quelques années, c'était Radio-Can. C'était juste Radio-Can. T'avais Radio-Can qui disait. Puis c'était plate. OK. Non. Mais bon, mais toi, t'avais une partie de hockey. T'avais la partie de hockey qui jouait. Entre les périodes, bon, t'avais. Tu sais, ils montraient ça, des petites brides là. Puis après ça, t'avais, mettons, le patinage de vitesse. Puis après ça, tu sais, un après l'autre. Mais en réalité, là, c'est quand ils montraient le patinage de vitesse, là, il était pas en direct, là. Non. Tu comprends? Il était en retard, mais tu le voyais, mais c'était tout un après l'autre, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est que toutes les épreuves sont sont en direct. C'est ça. Puis t'as pas le choix avec Internet, tout ça, parce que, tu sais, mettons que tu vas sur Internet, on a gagné une médaille d'or, mettons, en ski de boss. Bon. Mais si en même temps, Team Canada aurait joué, bon, ben, ski de boss aurait été diffusé après la game de hockey. Va sur Internet, t'y connais tous les résultats, t'y as toutes. Donc, ce qui est le fun maintenant, c'est qu'RDS présente le ski acrobatique, V va présenter le hockey, tu vas avoir la PTN, le poste amérindien qui, va probablement aller chercher ses meilleurs codes d'écoute de l'année avec ça, probablement. Ben, ils seront pas le seul, probablement que TSN aussi, là. Il disait qu'à peu près un Canadien sur trois était devant la TV pour les cérémonies d'ouverture. Environ, selon les statistiques, là, il me semble, il disait que c'était à peu près ça, 10 millions de codes d'écoute. C'est énorme, là. C'est en veux-tu pour tes annonceurs? Ouais. C'est sûr qu'au prix, ça coûte annoncer, aller chercher les Jeux Olympiques en tant que tel, ça coûte une fortune, t'as pas le choix de te rentabiliser. Puis ce qui arrive, c'est que tu vas voir plus de topo, puis d'entrevues, puis tout ça. T'as pas le choix de zapper. T'as pas le choix. Tu peux plus faire comme avant, puis être sur le même poste, puis laisser ça rouler. Faut que tu zappes, faut que tu changes les postes, parce que sinon, tu vas manquer de quoi. Commentateur, par exemple. certaines épreuves, là, moi, je vais faire ma grosse critique. Là. Allez, vas-y, Nick, je t'écoute. Ceux qui ont écouté le ski hier. Ski alpin. Mélanie Turgeon. Tu es quelqu'un qui peut y dire d'arrêter, là? Écoute, elle est fatigante à entendre. Je comprends, c'est une ancienne athlète, très bonne athlète. Mais elle est pas bonne. Mais elle crie. OK, c'est le Canada. Je m'en fous que tu connaisses Eric Gay, que t'ailles souper avec, whatever. Quand il descend, là, t'es pas supposé faire « Go, go, Eric, go, Eric, go, oui, c'est bon! » T'es pas supposé de faire ça, là. Non. Selon les standards journalistiques, il n'y a pas personne qui a expliqué ça à RDS. Que non, t'es pas supposé. T'as Claudine Douville à côté, qui est quand même très professionnelle, qui fait, ouais. Qui a fait plusieurs sports. Plusieurs années c'est aussi. Ça, tu sais. Qu'elles disent, là, arrête. C'est comme en... donc ta gueule. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, décris ce qui s'est passé, décris pourquoi il est mal rentré dans le cœur, mais dis pas le reste, toi. Hey, je viens d'avoir les statistiques, c'est deux Canadiens sur trois qui ont écouté. En tout cas, des codes d'écoute de 15 millions, donc c'est pas deux sur trois, là, mais c'est des très bonnes cotes. Donc ça me rappelle un peu en 2002. T'avais-tu écouté la finale des femmes? Hockey. 2002, gagné. Oui. Ouais, bon. Ben oui. C'était France-Saint-Louis, je pense, qui était l'analyste, tu sais. France venait de prendre sa retraite, il y a peut-être 2 ans de l'équipe, 1 an, c'était quand même récent, tu sais. Mais là, quand les Canadiennes ont gagné, elles criaient, puis ouais, puis ouais! Puis tu sais, c'était, si je me trompe pas, c'était qui? C'était-tu Claude Kenville? Mais moi, encore là, j'y aimais. Tu sais, il avait dit calme-toi, là. Ah, ben ça, c'était. C'était ce moment-là parce que le Canada venait de remporter la médaille d'or devant, aux États-Unis, dans leur territoire. Donc, je pense que. C'est quelque chose qu'on va toujours se rappeler. Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent, les Américaines, cette année? C'est exactement. Ils veulent lui leur mettre d'en face, puis ben comme il faut. Là. Ouais. J'ai regardé un documentaire là-dessus à RDS sur la rivalité entre les femmes. Puis ouais. Ils montraient ça. Mais tu sais, les filles, ils saillissent la face. Ouais, vraiment. Comme il faut. Puis ils montraient, genre, tu sais, pour se réchauffer, c'était un match, je pense, c'était à Winnipeg, puis les filles se réchauffent dans le stationnement. OK? De souterrain de l'immeuble, tu sais. Ils font des exercices, tout ça. Là, les Canadiennes sont en train de s'entraîner et sont toutes comme dispersées un peu. Team USA rentre là. Puis là, ils décident de s'entraîner en gang. Mais tu sais, les filles américaines, ils crient. Puis là, il y avait des caméras, là. Puis ils crient « Why USA? » Puis ils s'envoient chier d'un bord puis de l'autre. C'est magnifique à voir. Une rivalité ouais, de même, c'est là. C'est fun. Ça nous prend ça dans l'hockey. Puis je te féminin. Puis moi, en tant que fan du Canada, parce que, tu sais, c'est ma patrie, que voir. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, non, mais tu sais, c'est sûr que des événements t'es de même. T'es plus fan que. Ben, c'est sûr que des événements de même, c'était difficile un peu de mettre ça de côté, tu sais. Ouais, ça, c'est clair. Mettons, tu vas avec les. J'ai un blanc, là, ce que je voulais dire. Ouais, les filles, quand les Américains ont été éliminés en 2006, OK? Bon, on affronte la Suède en finale, tu sais. J'étais content parce que. Ça allait être facile, puis en effet, ça a été facile contre la Suède, OK? Mais le match Canada-États-Unis en finale, c'est un classique, puis ça devrait être ça normalement cette année aussi. Parce que là, les Américaines ont gagné 18. Les Canadiens ont gagné 18-0 contre la Slovaquie. 10-1 contre la Suisse. Ouais, c'est ça, puis la Slovaquie a comme gagné ou perdu, en tout cas par un but sur la Suède hier. C'est sûr que c'est tout à un match, mais je pense pas que l'erreur va se répéter. Les Américaines vont arriver motivées pour se rendre en finale. Ça va être toute une série. Écoute, vois-tu aujourd'hui, là, au niveau des activités, là, le curling commence aujourd'hui. Ouais, ça, j'ai hâte d'écouter ça, moi. C'est Kevin. Moi, j'écoute jamais le curling, sauf pendant les Olympiques. Ouais. Ça, j'aime ça, l'écouter les Olympiques, mais à part ça, dans l'année, j'écoute pas un gars de curling partout. Parce que vois-tu, c'est. J'essaie de me souvenir de son. C'est Kevin Martin. Le skip canadien, excellent. Est-ce que c'est pas la première fois qu'il représente le Canada qui commence? Aussi au programme, donc ça, là, je vais avoir de la misère, mais j'ai juste les heures du Pacifique, hein? Il faut se faire avec les décalages horaires. Moi, je te dirais, j'aime ça quand même un peu, dans le sens que oui, des fois, ça peut finir un petit peu plus tard, le soir, mais comme tu dis, c'est en direct, puis ça l'aide beaucoup qu'on n'ait pas trop un gros décalage avec Vancouver, qui est juste 3 heures. Ouais. Si on regarde avec les Jeux olympiques de Turin, T'avais un décalage de 7 heures, je pense. 6 heures. À un moment donné, comment tu fais pour être en direct quand eux autres c'est la nuit puis toi c'est le jour? Ouais. Fait que c'est sûr que moi j'aime ça, le petit décalage. Ça commençait le matin. Moi, dans le temps, je travaillais comme. Je travaillais dans un garage aux pièces puis j'avais la TV qui était allumée tout le long. Puis tu sais, j'avais. Mais c'était le jour, en effet. Le matin, en mangeant mes céréales, j'avais du ski de fond, là. C'est ça, j'avais ça qui était en soirée puis tout. J'avais le passionnant combiné nordique où. Tu sais, comme par exemple, juste te donner un exemple, le match de ce soir, le Canada contre la Norvège, ben, il est à 4h30 là-bas. Ben, tu sais, ici, il est à 7h30. Donc, pour nous, c'est une heure normale pour écouter le hockey. C'est un exemple canadien. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu pourrais ça. Fait qu'il faut rajouter 3h dans le fond. Donc, aujourd'hui, le curling débute. À 10h, ben 10h, excusez, 1h l'après-midi, je vais essayer de vous donner les heures de l'Est, là, faut que je fasse plus 3 dans le fond, là, c'est pas trop compliqué normalement. Si t'as de la misère, tu me le dis, ouais, je vais c'est ça, merci. Il y avait le scalpel, par contre, c'est reporté, comme on disait tantôt. À 10h, c'est le surf. 1h, excusez. À 1h, c'est le surf des neiges, c'est les qualifications de snowboard cross chez les femmes. Dominique Maltais, Maëlle Ricard, ça va être à suivre normalement, devrait facilement se classer pour la ronde des médailles. À 1h30, le biathlon 10 km poursuite femmes, épreuve de médaille. À 3h l'après-midi, c'est les hommes, c'est les États-Unis contre la Suisse. À 3h15, surf des neiges, bon, c'est les quarts de finale. Après ça, demi-finale, finale, snowboard cross chez les dames. À 3h45, c'est le 12,5 km poursuite hommes en biathlon. Je ne sais pas si le Gaelic participe à ça. J'ai pas d'informations là-dessus. Jean-Philippe Le Gaelic s'est bien classé 6e, une de ses meilleures performances à vie. Ouais. Un beau potentiel. À 4h, c'est la luge et le patinage de vitesse 500 mètres dames. Donc, ça, on a des chances de médaille. Par contre, c'est juste la première course. Ah, c'est le 500 mètres, c'est sur longue piste. Comme Waterspoon hier qui, malheureusement, n'a pas réussi à se classer. Non. Les femmes commencent à 17h. À 17h, les femmes commencent au curling. Ça joue tout en même temps. Le Canada affronte la Suisse. Hockey sur glace, comme tu disais. Les femmes vont affronter la Slovaquie. C'est à 17h30. Il y a de la luge après. Patinage de vitesse, la deuxième course, les médailles. Donc, on va voir là-dedans si on a une chance de médaille. Patinage artistique, le programme court homme qui est à 19h30. Le curling, ça se continue le soir. Les hommes à 21h ici. Le Canada, comme on disait, pour le hockey sur glace, c'est à 19h30, exactement, Pierre-Luc. Et finalement, il y a du hockey sur glace où ça soit Finlande contre Chine et Slovaquie contre... ça, c'est chez les femmes et chez les hommes. On s'essaie-tu pour dire un score au Canada? 12-0. 12-0? Ouais. Moi, je vais y aller pour 9-1. 9-1, ouais, tu penses que la Norvège... Il n'y a pas grand joueur de la Ligue nationale. Non. Ouais. Roberto Luongo ce soir... Ouais. Matin Brother, prochain match. Tu sais quel prochain match, Pierre-Luc? Non, peut-être. J'essaie de te sortir ça comme ça, là. Ça jeudi, d'après moi? Ça peut être jeudi, normalement. Non, la normalité serait jeudi. Oui, hockey sur glace. Ben, j'ai pas l'information comme ça. Je trouve ça plate pour moi, là. et pour nous. Ouais, et pour tout le monde ici. Donc, malheureusement, elle n'est pas là. Je la cherche. Mais allez voir rdsolympique.ca. Vous avez un excellent site comme ça qui va pouvoir vous donner les horaires, tout ça, très précis, de ce qui joue à chaque moment, à chaque poste. C'est votre meilleur ami pour les Olympiques. Donc, on va conclure ça ici. On va aller au calendrier. Bon, comme on en a parlé, c'est les séries qui débutent dans la CIS, les quarts de finale de la Division S. Mercredi à 19h, c'est au Colisée de Trois-Rivières, c'est les Pats, bon, contre les Stingers. Le match va être vendredi à 19h30 à Loyola. Et si c'est nécessaire, dimanche, ici même, à 14h, Colisée de Trois-Rivières contre les Stingers. Les matchs sont présentés sur TV Cogeco. Et en direct sur TV Cogeco. C'est un week-end tout Concordia en tant que tel, parce qu'au soccer intérieur, les filles et les hommes affrontent les Stingers. C'est ici même, au Centre Alphonse Desjardins. C'est à 14h à 16h, ce dimanche. Hockey Junior, Pierre-Luc. Oui, Hockey Junior. Donc, les Cataractes, tout d'abord, mercredi. Donc, demain soir, ils sont au Cap-Breton pour y affronter les Screaming Eagles. Vendredi, ils sont à l'Île-du-Prince-Édouard. Samedi, ils sont à Saint-Jean. Et dimanche, à Moncton. Donc, 4 gros matchs, là, les 4 équipes de tête dans les Maritimes. Donc, ça devrait être très difficile. Pour les Tigres de Victoriaville, mercredi, ils reçoivent les Vultures de Drummondville. Ensuite, ils sont à Montréal vendredi pour affronter le Junior. Et samedi, ils seront à Drummondville encore une fois pour affronter les Vultures. Ce sera le dernier affrontement de la saison entre les deux équipes avant les séries éliminatoires. Donc, ça risque d'être une préparation là, en vue des séries carrément. Et pour ce qui est des Vultures, vendredi, ils reçoivent les Remparts de Québec en plus de leurs deux matchs contre les Tigres. Ben, c'est parfait, ça. Hey, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. On se laisse en musique avec l'Académie du Massacre, mon oncle Serge, Jeanne Némus, L'Âge de bière. Donc, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Pour nous rejoindre, inconduitedepartie.com. Pour Pierre-Luc Giroux, Nicolas Duchamp, on vous souhaite bonne semaine. Salut, bonne semaine. Igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, igloo, ig